c'est bon. Bismillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Quand nazala Allah azza wa jal al-Qur'an fi shahr Ramadan. Fala rayba anna min ajali ni'amillah azza wa jal. على الإطلاق وأشرفها وأعظمها نعمة إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى امتن الله بها على عباده وحمد نفسه عليها وتمدح إلى عباده بها وبين عظم شأنها في أي كثيرة من القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pendant le mois du Ramadan. Il n'y a aucun doute pour dire que la grâce la plus importante, sans équivoque, et la plus noble, la meilleure, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran sur son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son envoyé. Et cette grande grâce et ce grand don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur, il est tellement énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est loué lui-même vis-à-vis de cela. Et aussi, donc il a aussi bien sûr loué. Donc il s'est loué et s'est vanté envers ses serviteurs par rapport à cela. Et il montre cela dans plusieurs versets. Il dit subhanahu wa ta'ala, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ويقول تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ويك الله سبحانه وتعالى دي gloire à celui qui a descendu le discernement sur son serviteur afin qu'il soit avertisseur envers les mondes. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala lama nazzala al-furqan qala tabaraka alladhi fa tamaddaha nafsahu subhanahu wa ta'ala ila ibadihi fa wasafa nafsahu bil baraka tabaraka. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala se loue, il se vante ici. Il se voit dans quelle situation, dans quel événement, dans le fait qu'il a descendu le discernement envers son serviteur, afin qu'il soit donc un avertisseur envers les mondes. Et puis il dit dans un autre verset, donc il y a la descente du livre de la part d'Allah, Al-Aziz Al-Hakim, le puissant et le sage. Allah subhanahu wa ta'ala, qadirun ala kulli shay'in, fahuwa al-Aziz, wa huwa al-Hakim. من حيث جعل رسالته لمحمد صلى الله عليه وسلم. Et donc il est puissant subhanahu wa ta'ala et il est sage. Il est sage du fait qu'il a choisi son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que celui soit pour lui. Certes, nous descendons sur toi le livre en toute vérité, bil haq. Donc adore Allah en lui vouant un culte pur. Fa'budillah mukhlisan lahuddin. Fa Allah azza wa jal bayyana al-ghaya al-udma li inzal hadha al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il montre le grand but pourquoi il est descendu ce livre. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et ici Allah dit bien, donc j'ai descendu vers toi le livre en toute vérité. Donc adore Allah en lui vouant un culte pur. Et après il dit, et n'est-ce pas qu'appartient à Allah la religion pure, al-din al-khalis, et n'est-ce pas qu'il y a fait du'a, fait salat, fait hajj, kullu hadil ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Donc c'est pour ça que toutes nos adorations, qu'elles soient donc les invocations, qu'elles soient les prières, qu'elles soient le hajj, qu'elles soient n'importe quel acte, il les fait exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, certes, c'est une descente de la part du Seigneur des mondes. Et il a descendu, donc, Ruhul Amin, yani Jibril, avec donc l'âme de confiance, c'est-à-dire Ruhul Amin, c'est Jibril, alayhi salam, c'est lui qui descend au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation. Ala qalbik, dans ton cœur, li anna idha dakhala al-qalb la yakhruj. Alors j'avais dit bien dans ton cœur, afin de montrer qu'il est vraiment raffermi dans son cœur. Il est implanté dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin que tu sois parmi les avertisseurs. وكذلك ينذر يعني الذين كانوا في خطأ الذين كانوا في هلاك. Il montre aussi, le Coran n'est pas venu juste pour avertir les bonnes nouvelles. فما تكفي يعني يخبر عن القصص فقط, le fait de raconter les bonnes histoires et de faire plaisir aux gens. Mais en vérité, l'islam est venu aussi pour avertir contre ce qui est mauvais. Sinon à quoi ça sert? On est obligé de dire aux gens, voilà la vraie voie. Et voilà la mauvaise voie, donc il faut choisir la bonne voie. C'est comme ça l'islam. Et ça ne s'arrête pas à juste faire plaisir aux gens, on fait croire qu'on fait plaisir aux gens, et on leur dit voilà la bonne voie. On doit montrer le danger, afin de connaître le danger, et de ne pas suivre en vérité ce danger. Fa litakuna min al-munzirin, bilisanin arabiyin mubin, billura al-arabiya al-fusha, billura al-arabiya al-wadiha al-fusha. Donc avec la langue arabe qui est claire, et qui est aussi donc une langue éloquente. Fal arab martalafu, yani ala azmina ala afhamihim bilisbat al-lugha arabiya. Donc les arabes sont d'accord vis-à-vis de la langue arabe. Ma qalahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi zamanihi fa hadhihi al-lugha ma zalat yani baqiya 'inda al-arab ma zalat baqiya 'inda al-arab. Cette langue qui a été donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est continuelle chez nous. On est encore en train de parler la même langue. Bikhilaf al-lughat al-ukhra. Contrairement à toutes les langues. Ma fi al-lugha illa taghayyarat. Est-ce que maintenant le français, il y a 1500 ans on parlait le français? Là. Fa hadhi ni'ma min Allah azza wa jalla hatta an-nas la yansaw dinahum. Ça c'est une grâce d'Allah azza wa jalla afin que les gens en vérité n'oublient pas leur religion. N'oublient pas en vérité leur religion. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هذا الشهر الذي يأتي قريبا عندنا الذي أنزل فيه القرآن. Donc le mois où du Ramadan où le Coran était descendu. هدى للناس نعمة. Donc le فرقان القرآن يعني le Coran qui est une guidée pour les gens. وبينات من الهدى. Et avec des versets qui vont expliquer clairement la guidée. Ou al-Furqan, celle aussi qui va montrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Al-Furqan, yani, yufarriku, bain al-haq, ou bain al-batil. Ce qui va montrer, donc qui va faire en vérité la différence entre le vrai et entre le faux. Inna shara ramadan al-kirim, sharun soum, khususiyatan bil-Qur'an, fahu al-shar al-ladi, unzila fi al-Qur'an al-kirim, hudan lil-nas, wa qad imtadha Allah ta'ala fi al-aya al-kirima, المتقدمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختراه من بينها لإنزال القرآن العظيم بل قد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء ليس فقط القرآن حتى الكتب أخرى نزلت أو أنزلت في رمضان في شهر رمضان ففي المسند للإمام أحمد والمعجم الكبير للطبراني من حديث واسلة ابن الأشقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت الصحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. إذن صحف إبراهيم أنزلت متى؟ في أول ليلة من رمضان. Le premier. Donc Allah subhanahu donc le mois du Ramadan c'est un mois de jeûne spécialement. Et bien sûr avec aussi il a une spécificité c'est le mois du Coran. Et c'est le mois où le Coran a été descendu afin de guider les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est loué et s'est vanté dans ce verset, les versets qu'on a vus auparavant, vis-à-vis de ce mois de jeûne, entre tous les mois. Donc il a choisi parmi tous les mois, et il a choisi que le Coran sera descendu pendant ce mois noble. Et il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que plusieurs donc que les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient descendus pendant le mois du Ramadan. Et il a commencé par pour dire que les feuillets d'Ibrahim ont été descendus le premier du Ramadan. Wa unzilat at-Tawrat li 60 min Ramadan. Et la Torah a été descendue donc le 6 du Ramadan. La Torah a été descendue le 6 du Ramadan. Wa injilu li 13 khalat min Ramadan. Et l'évangile est descendu le 13 du mois du Ramadan. Wa anzala Allah al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Et le Coran est descendu le 24 Ramadan. Le 24 Ramadan. Nuzilat fi laylat al-Qadr. Li'anna laylat al-Qadr qad takun yawm 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. L'an adil bid-dabt. On ne sait pas exactement. 28, 29, on ne sait pas. C'est pendant les 10 derniers jours du Ramadan. On ne sait pas quand vient la nuit du destin. Wala akthar an-nas أكثر الصحابة والسلف هذه الأمة وجدوها في 27 même si la majorité des gens ils ont remarqué que c'était souvent le 27 on a plus vu que c'était le 27 qu'autre chose mais il y a eu des compagnons qui l'ont vu d'autres jours de préférence dans les nuits impaires mais ça peut être aussi dans les nuits paires la preuve donc ici c'est le 24 ici c'est le 24 non. Donc ça peut très bien être à Kulhal le 24, la nuit du 25. Car c'est le 24, ça peut être dans la journée. Mais c'est en fait venu de la nuit. Le fait que c'est descendu, la nuit du 24. Donc le 24, la nuit. فانظروا وهذا الحديث صحيح et le hadith il est authentique il a été authentifié par Al-Albani rahimahullah fi silsila sahiha numéro 1575. فهذا الحديث يعني يدل على ان الشهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الكتب الالهيه على الرسل عليهم السلام إلا أنها كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه جملة واحدة وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك فقال تعالى إن أنزلناه في ليلة المباركة في ليلة المباركة وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن donc les livres d'Allah سبحانه كانت الكتب تنزل مباشرة مرة واحدة لما كانت تحتاج إلى تربية قوية كما كانت تحتاج يحتاج القرآن إلى تدبر وتأمل هذا دليل على أن سيأتي نبي بعدهم بأن ليست هذه الكتب التي تكون يعني دائما لتكون هي المعيار أو هي المطلوبة دائما وأبدا إلى يوم القيامة. Les livres étaient descendus une seule fois, donc en une seule fois, en un seul bloc. Et ils étaient descendus en un seul bloc, et c'est une preuve qu'en vérité, il n'y avait pas besoin de cette éducation énorme qu'on a besoin de, par rapport au Coran, et aussi que ce n'était pas en vérité les derniers livres. Qu'après ça, il y aura d'autres livres. Donc Allah les a descendus de façon différente. Tandis que le Coran a été descendu donc, de façon en proportion, en partie, c'est pour montrer déjà donc, les bienfaits qu'il y a dans le Coran. L'imazi de Sharafi. En vérité, pour montrer en vérité la suprématie hein, et la noblesse de ce Coran. Et qu'en vérité, c'est lui qui va rester à Kulhel. Il a descendu donc dans la maison qui s'appelle la maison de la Issa, au premier ciel. سماء الدنيا au premier ciel بيت العزة العزة on sait que c'est justement le fait d'avoir justement donc cette puissance cette supériorité quand est-ce pendant la nuit du destin et Allah dit donc la nuit du destin pendant le mois du ramadan béni certes nous l'avons descendu dans une nuit bénie في ليلة مباركة et donc هذه الليلة مباركة elle est bénie وكذلك هي ليلة القدر c'est aussi la nuit du destin elle dit ينزل الله عز وجل مقادر الأشياء مقادر الأمور يعني في هذه الليلة المقادر السنوية الله يدسون سي بخون la planue du destin car la destinée des gens annuelle, la destinée annuelle des gens de toutes choses descend pendant cette nuit et aussi Allah dit le mois du ramadan où le Coran a été descendu فدلت هذه الآيات الثلاثة على أن القرآن الكريم أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من ليالي الشهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعض وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من غير وجه. Donc ce livre qui a été descendu donc en proportion en partie à l'emplacement des étoiles, et bien sûr donc ils ont été récités, donc mentionnés les uns après les autres, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhu dans plusieurs versions. Donc il dit, Ibn Sa'id ibn Jubair قال عن Ibn Abbas radiallahu anhu قال أنزل القرآن أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعده في إثر بعد. Donc il dit, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, certes le Coran a été descendu en un seul bloc dans le premier ciel, et c'était à l'emplacement des étoiles, et Allah l'a descendu à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, donc partie par partie, partie qui se succédait, donc morceau par morceau, les uns après les autres. وكذلك قال يعني ابن عباس يعني عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Donc voyez que Ikrimah dit Ibn Abbas que le Coran a été descendu en un seul bloc, Jumlat al-Wahida, il a Samad Dunya, la nuit du destin, donc la nuit du destin. Et puis, donc il a été descendu après soi pendant 20 ans, et il a lu, donc ils ne te ramèneront jamais l'équivalent, hein, sauf que nous t'avons ramené en vérité, donc la vérité, et avec une meilleure interprétation. Wa ahsana tafsira. Bimana, pourquoi c'est une meilleure interprétation? Car c'est venu petit à petit. Et quand c'est venu petit à petit, les gens le comprennent mieux. S'il était venu en bloc, ce serait trop difficile de pouvoir le comprendre en une seule fois. Mais pour éduquer les gens et pour leur donner cette foi-là, il les a donc donné en partie. Les règles religieuses sont venues après. Au début, c'était ceux qui a vis-à-vis donc le fait de connaître Allah, le fait de savoir qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, le fait de faire monter la foi, et après les règles religieuses sont venues, afin que les gens avaient été, car les gens ont été prêts à accepter les règles religieuses. Les règles religieuses, elles ne peuvent pas être acceptées aussi rapidement dès le début, lorsque les gens quittent justement en vérité donc leur jahiliya, donc leur ère pré-islamique, avant en vérité de comprendre d'entrer dans l'islam de cette façon-là. Et aussi donc le Coran que nous avons donc départagé afin que tu lises sur les gens, donc bien sûr avec en vérité à la mohle, c'est-à-dire doucement, petit à petit, doucement. Et nous l'avons descendu, certes d'une descente. Donc petit à petit. Et aussi, donc روي ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سأله عطية ابن الأسود فقال وقع في قلبي شك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة المباركة وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم والصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس إنه نزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. فأحد منهم إن سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستغرب يعني شك. نعرف أن بعض الآيات نزلت مثلا في الحج وفي بعض الشهور أخرى. والله يقول أن نزل في رمضان ونزل في ليلة القدر وفي ليلة مباركة. فكيف ذلك؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فقال ابن عباس يعني أنه donc ابن عباس il répond par rapport à Atiya ibn al-Aswad qui lui pose la question. Il dit il y a un doute dans mon cœur car Allah dit bien que le mois du Ramadan où le Coran a été descendu. Elle dit bien, certes nous l'avons descendu dans une nuit bénie. Elle dit bien, certes nous l'avons descendu dans la nuit du destin. Et pourtant, on sait qu'il a descendu pendant le mois de Shawwal, pendant le mois de Qaïda, pendant le mois du Hajj, pendant le mois du Muharram, Safar, Rabia. Ibn Abbas, il répond, certes, qu'il a été descendu pendant le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, donc dans la nuit du destin, qui est aussi, et dans une nuit qui est aussi bénie en un seul bloc, puis il a été descendu, donc, c'est-à-dire, alors passant les étoiles, doucement et selon en vérité, donc quoi? Donc selon en vérité les mois et les jours, selon en vérité le temps, selon le temps. Donc, إن الحكمة في هذه النزول هي تعظيم القرآن الكريم وتعظيم أمر من نزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة. La sagesse de cela, c'est en vérité d'honorer donc pleinement le Coran, donc le noble Coran, et aussi d'honorer la situation et la place, la noblesse donc du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, lui donc envers qui le Coran a été descendu. Du maintenant, on a besoin du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Les Sahaba, quand ils étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, les Qur'an, ils avaient besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître l'islam. Donc il a fallu, pendant donc, la révélation qui a duré pendant 23 ans, donc cette descente, hein, donc c'est descendu pendant plus de 20 ans, cette descente du Coran, donc c'est une éducation, et c'est venu petit à petit. Donc on a toujours besoin de nouveau. Qu'est-ce qui nous apprend les choses nouvelles? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبكون لماذا يبكوا لانقطاع القرآن لانقطاع نزول القرآن فبكاؤهم أكثر شيء في انقطاع نزول القرآن les compagnons du prophète le donnant عليهم pourquoi ils pleuraient lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort c'était surtout parce que le Coran il va plus descendre c'est ça qui les touchait c'est le fait en vérité que ce Coran leur faisait monter la foi et c'est pas juste le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم est mort mais c'est parce que lorsqu'il meurt, donc le Coran aussi ne descendra plus. Et c'est ça qui les touchait fortement. C'est ça en réalité qui les touchait fortement. Donc, « وَتَعْدِبْ شَرَى الَّذِي نُزِّلَ فِيهِ وَهُوَ شَرَى رَمَضَانِ » Aussi le fait de respecter, d'honorer ce mois énorme, illustre, et qui est le mois du Ramadan. « وَلَيْلَةُ الَّذِي نُزِّلَ فِيهَا وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّذِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ » Et aussi, surtout la nuit qu'il y a dans ce mois, qui est bénie. Une nuit donc, qui est bénie et qui est aussi meilleur que 1000 mois. A dit Ni'ma min Allah Azza wa Jal. Elle a dit A'ta lil muslimin, il y a une petite layla, il y a une qadr ibadat al-fi shahr. Il t'a donné en vérité, en un mois, l'occasion de pouvoir en vérité récupérer et réunir en récompense 1000 mois d'adoration. Al-fi shahr. 1000 mois, c'est énorme. Ça fait combien Kul hal d'années. Ça fait combien d'années, 1000 mois 80 et quelques. 83. Combien de gens vivent 83 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, les gens ils meurent avant 83 ans. Hayat Kamila. Iman Hash. Pour celui qui arrive à vivre, c'est 83 ans. Imaginez-vous. Et on dirait, alors il faut qu'il vive au moins 93 ans. Adatel, le petit, on va dire qu'il commence après l'âge de 10 ans pour adorer. Il ne dort pas décliné. Alors imaginez-vous. فقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ثم إن ما تقدم لا يدل أعظم الدلالة على عظم شأن شهر الصوم شهر رمضان المبارك وأن له خصوصية بالقرآن الكريم إذ فيه حصل الأمة من الله هذا الفضل العظيم نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الهداية لمصالح الدين والدنيا وفيه تبيان الحق بأوضح بيان وفيه الفرقان بين الهدي والضلال والحق والباطل والظلمات والنور et aussi donc on a vu par rapport au verset. Donc l'importance donc, de ce mois du Ramadan, le mois du jeûne, le mois du Ramadan béni. Et que c'est un mois qui est spécifique au mois au Coran. Et ce mois-là, donc on retrouve dans ce Coran ce qui va en vérité arranger. Et c'est un grand bienfait. Et ça, car non seulement il y a pour la communauté le fait que cette révélation a été descendue, le fait que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et qui comprend et comporte la guidée d'Allah Azza wa Jal, car Allah dit « guider pour les gens » et « explication claire des guidés ainsi que le discernement ». Et donc c'est une guidée pour les biens des gens, dans leur vie d'ici-bas et aussi dans leur au-delà, dans leur religion et dans la vie d'ici-bas. Et il y a aussi la façon de montrer clairement, donc il n'y a pas plus clair, que cela pour montrer en vérité la guidée. Et il y a aussi le discernement entre la guidée et l'égarement, entre le vrai et le faux, et entre les lumières, entre la lumière et les ténèbres et la lumière. فحقيق بشعر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده إحسان الله على عباده فيه أن يعظمه العباد وأن يكون مؤسما لهم للعبادة وزادا اليوم المعاد. Donc c'est normal et c'est naturel et c'est véridique que ce mois en vérité, parmi les grâces de ce mois, c'est que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. إحسان من الله عز وجل. والله عز وجل يطلب منا أن نزداد من العبادة في هذا الشعر. Allah Azza wa Jal, donc il nous demande qu'on honore ce mois-là et qu'on choisisse ce mois-là comme temps, comme moment, donc en vérité comme donc période où on va l'adorer subhanahu wa ta'ala et on va augmenter en vérité. Donc c'est aussi le fait de récupérer et de réunir en vérité les hasad pour le jour dernier. وَهَذَا فِيهِ دِلَالَةٌ بَالِغَةٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد في ذلك والإكثار من تلاوته فيه وعرض القرآن على من هو أحفظ له والزيادة في المدارسة في مدارسته. Donc c'est une preuve claire et évidente qu'il est recommandé d'apprendre le Coran ou de réciter ou de réviser le Coran pendant le mois du Ramadan béni et de faire les efforts en force cela et de le lire énormément, de le lire abondamment. Et de réciter le Coran envers celui qui est meilleur que nous, celui qui va nous corriger par exemple. Hein? Et aussi le fait d'apprendre plus dans le Coran et de l'apprendre. Et Ibn Abbas, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc dans le Bukhari et Muslim, Ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc il a dit, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Il était encore plus content, donc plus émerveillé pendant le mois du Ramadan lorsque Jibril l'accueillait, hein, qui venait le voir et qui lui a enseigné le Coran. Et Jibril lui a enseigné le Coran chaque nuit du Ramadan et il lui apprenait le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus content que le beau vent qui vient. Le beau vent qui vient, les gens, les cultivateurs, ils sont contents. Parce qu'ils savent que le vent, il va leur amener de bonnes choses pour leur culture. Ils étaient encore plus contents que ce vent qui venait en vérité frappé. Il est encore plus content que les cultivateurs, lorsqu'ils reçoivent ce vent, qui sera en vérité bénéfique pour eux. Qui sera en vérité bénéfique pour eux. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم, il augmentait. كان يطيل القراءة أكثر من غيره من الشهور. Donc il lisait en vérité plus pendant le mois du Ramadan, il restait plus longtemps à le lire vis-à-vis des autres mois. وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. Donc ça c'est recommandé, c'est légiféré pour celui qui veut en vérité rajouter dans le Coran et qui veut qu'il augmente, si la personne lit pour lui-même. Tu lis chez toi, tu as envie de prier chez toi, tu lis le Coran. Eh bien, tu peux rajouter, tu vas faire plus que d'habitude. Et la même chose pour celui qui va lire longuement avec un groupe, et le groupe accepte. Il va dire au groupe, on va lire plus longtemps. Et la jama'a dans la mosquée, papa, dit, d'accord, on accepte. Tout le monde est d'accord, on lit plus longtemps, bismillah. Sinon, en général, le méchant, c'est de ne pas être long. S'il y a du monde et qu'il y a des vieux, il y a des enfants, c'est eux qui disent non, on n'arrive pas, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le tarfif. Le méchant, c'est ça. Lorsqu'on doit en vérité vérifier et faire attention à qui est derrière nous. Ça, c'est maqloub, mura'at al-nas, le fait en vérité de faire attention aux gens qui sont avec nous. Wa qala al-imam Ahmed, li ba'd ashabihi, wa kana yusalli bihim fi Ramadan. Haoula il qawm du'afa. In ikra khamsan, sittan, sib'an. قال فقرأت فختمت ليلة السبع وعشرين. Donc il disait, donc ce peuple et donc les gens avec nous sont faibles. Donc lis 5, 6, 7. Le meilleur qu'on le fait, c'est un sabbat, c'est-à-dire 5 sourates, sourates, 7 sourates. Les uns qui ont واحدة يعني بعدين ثلاثة واحدة بمعنى البقرة ثلاثة les trois sourates qui viennent après le Baqara, Khamsa, les cinq sourates qui viennent après Seba, après Tessa, et après ils arrivaient donc à 11, si je ne me trompe pas, et après ils nous fassent Salat. Donc ils disaient ça se passait comme ça avant. Les célèbres, c'est comme ça qu'ils faisaient le Baqara 1 pour une nuit. Deuxième nuit, 3, 3 autres sourates. Après 5, parce que les sourates elles viennent en rétrécissant, elles ne sont pas aussi longues que les premières à chaque fois. Donc 1, 3, 5, 7, 9, je ne sais plus jusqu'à 13 pour ne pas me tromper. Et après, c'était le Mufass Salat. Ils arrivaient à le Mufass Salat, ça tombait juste. Et ils lisaient le Mufass Salat. C'est comme ça qu'ils faisaient les salaf. Ils avaient en vérité la lecture du Coran à l'époque. Et donc, ils avaient Khatim al-Qur'an, beaucoup. Mais là, ici, ils faisaient Khatim al-Qur'an la nuit du 27. Pour montrer qu'ils lisaient. Donc, au calcul, ça ne ferait pas beaucoup. Ça fait à peine un peu plus qu'un juz. C'est un juz. Et un petit peu ziyada, parce que les gens, ils étaient plus faibles. Déjà, à l'époque de l'imam Ahmed, imaginez-vous, hein, très peu de siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant il faisait déjà ça. Car les gens n'ont plus la capacité de lire trop longtemps, n'ont plus la capacité de tenir debout, car ils n'ont pas l'habitude, ils ont perdu l'habitude de lire longtemps le Coran. Donc, Khoutimat l'adat al-Sibari wa Ashrin, il termine le Coran la nuit du 27. Donc il leur a demandé en vérité de regarder qui autour de soi. Est-ce qu'il y a des vieux? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a ceci et cela? Donc on prête attention à ceux qui sont derrière nous. وكان السلف رحمهم الله يتلو القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. فكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان. بالنسبة للقراءة هذا شيء يعني à part, donc chez Yanni Khas, ça va être ça, c'est à part. Parmi les plus prédécesseurs, donc ils lisaient pendant le mois du Ramadan, le Coran dans la prière ou autre, jusqu'à ce que l'Aswad, Rahmallah, il lisait le Coran toutes les deux nuits. Il augmentait, il lisait le Coran toutes les deux nuits. Même si Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui lit le Coran en moins de trois nuits, il ne va pas en vérité donc, le comprendre. Donc eux, ils ont lu déjà avant ça, ils le connaissent déjà, ils le comprennent déjà. Donc ça, c'est que par rapport à la lecture. Ils ont compris avant ça, donc c'est pas un problème. Ils ont respecté ce qu'avait dit le prophète à l'époque en Ramadan. Mais pendant le Ramadan, ils dépassent. Donc c'est, vous comprenez, comme ils connaissent déjà, c'est pas un problème même s'ils le lisent de lui, parce qu'ils le comprennent. La même chose, parmi les 10 dernières nuits du Ramadan, et spécialement dans les 3 dernières nuits, il le terminait rapidement. وكان القطادة يختم في كل سبعين دائما وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر كل ليلة. Donc Qatada, il terminait le Coran, il lisait le Coran complet dans sa vie, ça c'est dans sa vie. Tous les 7 jours, il le terminait. Tous les 7 jours, il le terminait le Coran. Donc c'est comme s'il lisait à peu près, maintenant on va dire, près de 100 pages ou 80 pages, hein, à peu près, ou 90 pages par jour. Ça c'est toute sa vie comme ça. Et pendant le mois du Ramadan, tous les 3 jours, il terminait, et spécialement par la nuit des 10 derniers jours, il le terminait chaque nuit. Donc les 20 premiers jours, tous les 3 jours, et les 10 dernières nuits, tous les jours. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. كان يقول هكذا الزهري. إذا دخل رمضان يقول فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. Donc il dit certes le mois du Ramadan, c'est la lecture du Coran et le fait de donner de la nourriture. Nourrir les gens, donner de la nourriture. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. الإمام مالك رحمه الله. إمام دار الهجرة في المدينة. Donc l'imam, il disait وأنه هو إمام في الحديث وإمام في الحديث وفي السنة الإمام مالك يعني أعظم من الأوزعي وغيرهم. Il était plus important que les grands imams comme l'Aouzaï, l'imam Malik. Hein? Parce que lui était non seulement imam dans la sunna et en plus imam dans le hadith, les deux. Souvent on entend un tel imam dans le hadith ou l'autre imam dans la sunna. Mais lui, il a rassemblé entre les imams dans la sunna et dans le hadith, et en même temps. Alors il se sauvait de la lecture du hadith et de le fait de s'asseoir avec les gens de science et il allait donc à la rencontre de la lecture du Coran à partir du Mus'haf. Donc en réalité, il s'occupait du Coran. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. Donc Qatada, rahmallah, Mufassir. C'est un grand Mufassir. Qu'est-ce qu'il a? Mais Tabi'in. Lui, il enseignait donc le Coran pendant le mois du Ramadan. وكان الصوفي الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. La même chose pour Soufiane al-Thawri, rahmoullah, si le mois du Ramadan rentre, yatruk l'ibadat al-ukhra, il délaisse donc certaines adorations et il revient à la lecture du Coran. والأثار عنهم في هذا المعنى كثيرة جدا. فكرجع إلى لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي رحمه. Donc voyez un petit peu comment ils étaient. Comment en vérité, ils étaient en vérité donc nos grands-pères, nos aïeuls, nos anciens prédécesseurs qui nous ont délégué, qui nous ont en vérité laissé un héritage, la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le mois du Ramadan. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.